Saint-Ciboulet. La voilà, la voilà, la voilà, Saint-Ciboulet, Saint-Ciboulet. Faites-lui place vivement. C'est à son bord, c'est à son bord. Sous son bonnet de village, un fichu rose autour du cou, elle conduit toujours debout son attelage. Bonjour, Ciboulette. Bonjour, Ciboulette. Qu'est-ce qu'elle donne? Qu'est-ce qu'elle donne? Ciboulette quand on s'appelle Marie-Jeanne? Parfaitement, Ciboulette. Vous voudriez bien vous appeler comme ça, hein?